Premièrement, the Jewish people celebrate and commemorate Hanukkah. Le peuple juif célèbre et commémore Hanouka. And they use the Hanukkah. Et ils utilisent le Hanouka as a time in which they mark the passing away of darkness. Comme un temps dans lequel ils marquent la disparition des ténèbres. Alléluia. Alléluia. They also speak about victory over darkness during Hanukkah. Ils parlent aussi de la victoire sur les ténèbres pendant Hanouka. Let me explain this to you. Laissez-moi vous expliquer ceci à vous. There was a time at which the Greek king, il y avait un temps où un roi grec, Greek Syrian king called Antiochus the Fourth, un roi grec syrien appelé Antiochos IV, he attacked and conquered the land of Israel. Il a attaqué et conquis le pays d'Israël, the Holy Land, le saint pays. And when he conquered there, he brought forth a great darkness into the land. Alors quand il a eu conquis cet endroit, il a apporté là beaucoup de ténèbres. And he brought a lot of darkness because, et il a apporté beaucoup de ténèbres parce que, he commanded the Jewish people, the Israelites, il commandait le peuple juif, les Israélites, to reject their God, de rejeter leur Dieu, reject their religion, de rejeter leur religion, reject their faith, de rejeter leur foi, reject their religious practices, de rejeter leurs pratiques religieuses, reject their worship, de rejeter leur adoration, reject their spiritual ceremonies, reject their customs, de rejeter leurs cérémonies spirituelles, de rejeter leurs coutumes, reject their culture, de rejeter leur culture, reject everything that was ever instituted upon them by the Torah, et de rejeter toute chose qui était instituée sur eux par la Torah, by the five books of Moses, par les cinq livres de Moïse. And he reigned over them, et il a régné sur eux. And this rejection, this command, ce rejet, cet ordre, that he brought over them, qu'il a amené sur eux, to reject their God, the Holy One of Israel, de rejeter leur Dieu, le seul sur Israël, brought a great darkness into the land of Israel. Quelles grandes ténèbres sont entrées dans Israël. Let me bring it another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. It also brought a great darkness into the temple of the Lord. Ça a apporté aussi de grandes ténèbres dans le temple du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Now, because Antiochus was a Greek king, maintenant, parce que Antiochus était un grand roi, he also brought in the Greek gods. Il a aussi amené des dieux grecs. There are many small Greek gods, the god of the sun. Il y a beaucoup de petits dieux grecs, le dieu du soleil, the god of the moon and the god of the wind, le dieu de la lune et le dieu du vent. And we also know that the Greeks, they always glorified human wisdom. Et nous savons aussi que les Grecs glorifient aussi la sagesse humaine. The peak of which was Plato and Socrates. Les plus célèbres étaient Platon et Socrate. So they defiled the temple of the Lord and the land. Alors ils ont souillé le temple du Seigneur et le pays. Because they brought the pantheonism, which is the believing in many gods. Parce que ils ont amené le panthéisme, ce qui est croire en beaucoup de dieux. Into the holy place, the holy land where Jehovah, the God of Israel, was being worshipped. Dans le saint pays, là où le Dieu Jéhovah est censé être adoré. And they commanded this over the Israelites, somebody. Et ils ont ordonné ceci par-dessus les Israélites. So this created a great period of gross darkness in the land. Alors ça a créé de grandes ténèbres dans le pays. And also in the temple. Et aussi dans le temple. But now listen to me, somebody. Et maintenant, écoutez-moi. They also entered the temple of the Lord. Ils sont aussi entrés dans le temple du Seigneur. And touched the articles there. Et ont touché les articles là-bas. They touched the objects there. Ils ont touché les objets là. And created a great darkness and defilement within the temple of the Lord in Jerusalem. Et ont amené des grandes ténèbres et ont souillé le temple du Seigneur à Jérusalem. But when this was happening, mais quand ceci est arrivé, this was symbolic of a prophecy of what is happening in the church today. C'était une prophétie symbolique de ce qui arrive à l'église aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. The Greeks believed so much in human intellectualism. Les Grecs croient tellement en l'intellect humain. They glorified man. Ils glorifient l'homme. They study of the stars. Ils étudient les étoiles. The moon. La lune. The gods of the stars, the moons. Les dieux des étoiles, de la lune. They brought these into the house of the Lord. Ils ont apporté ça dans la maison du Seigneur. They looked at the treasury in the house of the Lord. Ils ont pris le trésor dans la maison du Seigneur. And looked at many articles and used it to worship their strange idolatrous gods. You see that? Ils ont pris des articles, les ont utilisés pour adorer leur étrange dieu idolâtre. They never believed in spiritual purity. Ils n'ont jamais cru à la pureté spirituelle. So this time, it's about 2,300 years ago. Alors, ce temps, c'est à peu près 2,300 années avant. This time of darkness, ce temps de ténèbres, that swept through the temple of the Lord, qui a traversé le temple du Seigneur, and the land of Israel, et le pays d'Israël, actually was a prophetic event, actuellement était un événement prophétique, of what was going to happen even to the church, de ce qui va arriver à l'église, like it's happening now, comme c'est en train d'arriver maintenant. What do you see in the church now? Qu'est-ce que vous voyez dans l'église maintenant? You see intellectualism. Vous voyez l'intellect. People worship money. Des gens qui adorent l'argent. They believe more into theology, human reasoning. Ils croient plus dans la théologie, dans les raisons humaines. They have brought many other gods in the house of the Lord. Ils apportent beaucoup d'autres dieux dans la maison du Seigneur. In fact, there is a great darkness right now in the house of the Lord. En fait, il y a beaucoup de ténèbres juste maintenant dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. But I want to look at the festival of Hanukkah. Alors, j'aimerais regarder à propos de la fête de Hanouka. The festival of Hanukkah. La fête de Hanouka. The Jewish celebration that is called the Hanukkah. La célébration juive qui s'appelle le Hanouka. Which is also called the festival of the miracle of the oil. Qui s'appelle aussi la fête du miracle de l'huile. Or the festival of light. Ou la fête de la lumière. Alléluia. Alléluia. I want to talk about a very important spiritual event. J'aimerais parler à propos d'un événement spirituel très important that took place in Israel, qui a pris place en Israël, that also reflects the darkness that has entered the church right now, qui reflète aussi les ténèbres qui sont entrées dans l'église juste maintenant, and it took place as a prophecy, qui prend place en tant que prophétie of this darkness that would enter into the house of the Lord right now. De ces ténèbres qui sont en train d'entrer dans l'église juste maintenant. Again, now we see very clearly that there is a lot of darkness in the church. Encore maintenant, nous voyons très clairement qu'il y a beaucoup de ténèbres dans l'église. You hear all across the secular media in the world. Vous voyez tout à travers les médias séculiers dans le monde. Of bishops split. Des bishops qui se séparent. 50% church leaders discussing homosexuality. Le 50% des responsables d'église qui parlent à propos de l'homosexualité. How to ordain gays. Comment ordonner des gays. That is surely the fact that darkness has entered the house of the Lord. Ça, c'est certainement le fait que les ténèbres sont entrées dans la maison du Seigneur. A gross darkness. De grandes ténèbres. There is the big love of money. C'est le grand amour de l'argent. You hear about conmanship. Vous entendez parler d'escroquerie. People pretending to be prophets. Des gens qui prétendent être prophètes. False prophets. Faux prophètes. Conning members of congregations of a lot of money. Escroquant les membres de la congrégation un tas de monnaie. Lying with false prophecies of prosperity. Ne disant pas la vérité à propos de la prospérité, which is far from the word of God and any holiness, qui est loin de la parole de Dieu et de beaucoup de sainteté, far from the work of the Holy Spirit, loin